Die italienische Regierung, le 20 mai 2017, le gouvernement italien a promulgué un décret gouvernemental pour une obligation générale de vaccination des écoliers. À partir de la rentrée scolaire 2017-2018, tous les enfants scolarisés devront être vaccinés contre 12 maladies en tout. Les parents qui refuseront de faire vacciner leurs enfants seront dénoncés auprès de l'Office pour la protection des mineurs et pourront risquer une amende de 7 500 euros et, dans les cas extrêmes, d'être privés de leurs droits parentaux. Le chef du gouvernement italien, Paolo Gentiloni, a révélé la cause de cette dure démarche. On est obligé d'agir contre les théories non scientifiques critiques vis-à-vis de la vaccination, qui ont conduit à un nombre croissant de refus de la vaccination. Des rapports qui montrent le lien entre la vaccination et l'augmentation des cas d'autisme ont fortement fait monter en Italie le nombre des opposants à la vaccination. À y regarder attentivement, cet essai de stopper cette forte augmentation du nombre de sceptiques vis-à-vis de la vaccination dans le peuple ne signifie rien d'autre qu'une mise sous tutelle du peuple italien. Pour démontrer cela, il y a des groupes de dévoilement de la vaccination qui ont appelé à une action de protestation nationale dans la ville de Pesaro aujourd'hui, 8 juillet 2017.